1. Se déplacer à pied dans cette ville, c'est très, très désagréable. Il y a une circulation folle. Il y a des voitures, des motos et des camions partout, même sur les trottoirs. 2. Ce que je pense de la circulation? Une horreur. Mais oui, une véritable horreur. On ne sait même pas où traverser. Il n'y a presque pas de passage pour piétons, ni de feu au carrefour. 3. Je me demande quand ils vont prévoir de nouvelles lignes de métro. Pour le moment, il n'y a presque pas de station, même dans le centre. 4. Moi, ce que je voudrais? Voyons. Eh bien, d'abord, des trams électriques, avec des arrêts fréquents pour remplacer les autobus et aussi des voies cyclables.